Vous allez toujours à la piscine? Non, je n'y vais plus. Vous faites toujours du piano? Non, je n'en fais plus. Vous avez encore votre vieux vélo? Non, je ne l'ai plus. Vous voyez toujours vos amis d'enfance? Non, je ne les vois plus. Vous allez toujours en vacances à Capri? Non, je n'y vais plus.